Donc, on est présentement avec Vincent Perra, co-animateur de Plan de cours, qui est maintenant en pause. Oui. Et aussi Culturé, qui continue encore. Oui, qui est le jeudi midi, donc le lendemain. Excellent. Ben aussi étudiant en histoire à la maîtrise. À la maîtrise qui a commencé depuis 3 semaines. 3 semaines. Ouais, c'est ça. T'as fini ton bac. Le bac a été marqué par la pandémie. Ah ouais, hein? Toi, t'as commencé au début de la pandémie ou... Moi, la pandémie est arrivée à la fin de ma première année. Mm. Donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, dans le sens que ceux qui ont commencé avec le confinement, je pense que c'était difficile de créer des liens. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ben c'est drôle ça, juste une petite parenthèse, j'ai été à un vernissage pour un truc de jeux vidéo dans le Carrefour des arts et des sciences. Oui, comment ça s'appelle? L'exposition, c'est Rétro-Ludicité. C'est dans le... C'est quoi? C'est le pavillon... le nom que je me rappelle plus. Puis, il y a des étudiants là-dedans qui étaient venus voir l'exposition puis qui ont commencé pas mal pendant la pandémie. Puis c'était comme la première fois qu'ils voyaient des gens avec qui ils avaient étudié. Puis c'est... ça doit être quand même assez... c'est particulier comme expérience. J'allais dire difficile, en même temps, je le sais pas. Tu sais, c'est plutôt comme étrange. Ouais. Mais... En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus. Mais bon, c'est fini. Là, je recommence. Je vois les gens. On est tous ensemble, une nouvelle cohorte dans une classe. C'est chouette. Là, on peut mettre des visages sur les noms. Ouais, c'est le fun, hein? Puis d'ailleurs, c'est pas la première fois avant que je viens à Épistémia. Non, c'est ça. C'est la deuxième fois que tu viens à Épistémia. Je t'avais invité l'année passée, je pense. Ouais, je pense que c'était à l'hiver. Ouais, c'est ça. Puis pour parler de... Ah oui, j'ai oublié. C'est comment interpréter les histoires qui sont pas les nôtres. Oui, c'était... Mais par exemple, maintenant, quand on est un francophone... qui fait un Canadien, un Québécois de souche qui fait de l'histoire autochtone, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi l'intérêt, entre guillemets? C'est comme... Ouais, puis les enjeux, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'entend qu'on peut parler d'appropriation, etc. Fait que c'était quand même assez intéressant. D'ailleurs, il va falloir que j'en reparle bientôt de ces enjeux-là avec un invité que j'ai déjà eu à mon émission, que j'aimerais ça comme réinviter. Qui est Médéric Sioui, j'essaie de le réinviter bientôt. Fait que, écoute, ben oui, super. On va parler cette semaine et la semaine prochaine aussi, on va parler de recherche. Oui, la recherche, c'est ça, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Puis même quand on commence à en faire, on commence à comprendre enfin qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est difficile, c'est un gros morceau. Oui, puis c'est important pour toi parce que étant étudiant en histoire, la recherche, c'est une grosse partie de ce que tu fais. Oui, ben exact, c'est ça. Le mémoire, un mémoire, qu'est-ce que c'est? T'sais, c'est un travail de 100 pages, mettons, qui s'échelonne sur 2 ans. Puis c'est un travail de recherche en archives. C'est un travail de réflexion historiographique. Donc, l'historiographie, c'est une réflexion. En fait, c'est quand les historiens font de l'histoire. Donc, c'est par exemple, quand, mettons, moi, je m'intéresse à l'histoire du pacifisme, mais là, il faut que j'aille voir qu'est-ce que d'autres historiens avant moi ont dit sur le pacifisme. Puis c'est de comprendre comment est-ce que mes recherches s'inscrivent dans un tout plus grand, puis comme dans un processus. Puis là, évidemment, chaque époque a des façons différentes d'interpréter les sources. Donc, donc, la recherche... Voilà, c'est assez fondamental. On aime bien dire en université, c'est la source de la connaissance, blablabla. L'éducation, c'est le pilier de la démocratie. Mais dans les faits, la recherche, c'est quand même quelque chose de très inaccessible pour la grande majorité des gens. Je reviendrai tantôt sur pourquoi, mais les gens, même en histoire, il y a une grosse différence entre la recherche académique et les amateurs d'histoire. Le contenu plus général de vulgarisation qui est fait pour les amateurs, c'est pas la même chose que la recherche. C'est un sujet que je t'ai invité à discuter aujourd'hui à l'émission parce que on rit de ça souvent. Les gens ils disent « faites vos recherches ». Ouais. C'est devenu un meme. Tu sais, Oui. Ça fait partie de l'univers mémétique de t'es les gens un peu weird qui font « moi je sais, j'ai fait mes recherches ». Puis on en rit, mais en même temps, l'accessibilité de l'information est tellement plus grande maintenant qu'elle l'était il y a 20 ans que l'idée aussi, c'est de savoir comment on fait pour faire une bonne recherche. Ouais, c'est une bonne question. Je vous apprends rien en disant que surtout l'enjeu climatique le montre bien, l'expertise des experts, des climatologues, est remise en question constamment. Autant par des conspirationnistes sur Internet que par des dirigeants d'État. Et donc, C'est ça, je pense, effectivement, se questionner sur c'est quoi faire de la recherche, c'est une bonne question, puis il se trouve que c'est ce que je fais. Est-ce que tu penses que la recherche historique, comme tu l'as fait, historiographique, les principes que tu vas nous expliquer bientôt peuvent s'appliquer à n'importe quel genre de type de recherche quand tu recherches l'information? Ben oui, mais c'est une bonne question parce que ça, c'est un débat au sein que les historiens ont entre eux. Est-ce que l'histoire est une science? Parce que, mettons, contrairement à la chimie ou à la physique, on peut pas... Ah, moi, je me souviens qu'on avait des cours de sciences au secondaire, on disait, OK, la science, c'est quand tu peux faire une expérience que tu peux reproduire en contrôlant tes facteurs, puis si tu as le même résultat plusieurs fois, là, tu peux établir une corrélation entre deux facteurs. Mettons, la pression puis la température d'un gaz, ainsi de suite. En histoire, le problème, c'est que notre expérience, elle est arrivée une fois, il y a 300 ans, on ne peut plus la reproduire, puis nos informations sur l'événement sont complètement partielles et biaisées idéologiquement. Et en plus, on n'a pas les mêmes mentalités que les acteurs de l'époque. Donc, définitivement, dans la recherche, il y a des principes qui sont généraux, comme par exemple l'évaluation par les pairs. Donc, l'idée hein, que les personnes les mieux formées pour nous remettre en question puis pour évaluer la recherche de quelqu'un, bien, c'est ses collègues qui sont spécialisés dans le même sujet de recherche. Mais je dirais que l'histoire a quand même certaines préoccupations qui lui sont propres parce que, ben voilà, c'est un questionnement sur des sociétés du passé. Puis donc là, il y a toute une tension, je dirais, entre deux facteurs. D'un côté, l'originalité du passé, ou même l'étrangeté du passé, hein, cette idée que en recherche, surtout en sciences humaines, on met de l'avant les facteurs culturels plus que l'inné, donc on met beaucoup de l'avance l'idée que, ben, ce que, je sais pas, mettons, un enfant de la classe ouvrière anglaise du 18e siècle n'a pas vécu avec le même conditionnement que quelqu'un aujourd'hui, ou qu'un paysan français du Moyen-Âge, ou qu'un paysan chinois de l'Antiquité. Pas le même conditionnement, pas la même éducation religieuse, pas la même éducation tout court, en fait. Donc, il y a des choses que nous, on prend pour acquis, qu'il faut profondément remettre en question quand, je sais pas, mettons juste notre attachement à la démocratie, quand on regarde les débats politiques, je sais pas, du 15e siècle, par exemple, c'est pas du tout les mêmes débats, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes principes. Mais en même temps, donc il y a l'étrangeté du passé d'un côté, mais il y a aussi la permanence de l'être humain de l'autre. Cette idée que oui, il y a aussi de l'inné, puis qu'on est des êtres humains, il y a quelque chose en commun entre nous, peu importe les époques. Puis donc, puis il faut garder ça en tête, parce que souvent, c'est tentant quand on voit, je sais pas, mettons, le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 en France, où les catholiques vont dans les rues pour tuer des protestants. On peut pas se dire, ah, ben c'est parce que les gens, à l'époque, étaient fous, ou ils étaient moins intelligents, ou ils étaient tous endoctrinés. Tu sais, ça serait facile de réduire ça à ça, mais il faut garder en tête qu'est-ce qui fait que moi, je pourrais être amené à faire ça, ces gestes-là dans telle situation. Puis là, ça, c'est toute une réflexion qui est très présente depuis la Deuxième Guerre mondiale, hein, toutes les théories sur la banalité du mal. Je suis sûr que tu en as déjà parlé d'une façon ou d'une autre à l'émission. Je pense pas que j'ai parlé de la banalité du mal à l'émission. Ce serait un sujet à aborder. En tout cas, l'idée que, ben, vu que les structures sociales changent, les humains vont... En tout cas, peuvent se développer différemment, mais qui ne sont pas fondamentalement différents. Donc, c'est tout le temps une tension entre ces deux un peu considérations-là. Puis c'est une réflexion vraiment intéressante. Puis c'est ça, donc, est-ce que l'histoire est une science? Puis là, il y a aussi d'autres gens qui disent, ah, mais est-ce que l'histoire, ce ne serait pas plutôt un artisanat? Ouais. Parce que tu travailles ta matière première, qui est ta source, qui est ton archive, un peu comme un cordonnier travaille le cuir pour faire sa chaussure. Tu crées une composition, parce que l'histoire, c'est une discipline écrite. Donc, tu écris un livre, tu écris un travail dans un journal, un peu comme un peintre peint. Donc, il y a des considérations esthétiques à faire de l'histoire. Hein. Il y a un style d'écriture un peu plus anglo-saxon qui est plus, je dirais, peut-être plus, pas plus simple, mais qui est plus direct, alors que il y a un style d'écriture plus présent dans la francophonie avec un peu plus de fioritures, avec... des fois un niveau de langage un peu plus recherché. Donc, il y a toute cette question-là, bah, un peu comme un artiste, c'est ça. Donc, est-ce que c'est de la science? Est-ce que c'est de l'artisanat? Est-ce que ce ne serait pas un art, les sciences humaines en général? Parce que tu t'adresses à un public. Et donc, comme dans toute œuvre d'art où l'œuvre fait réagir le public, puis donc tu es en dialogue avec ton auditoire, mais l'historien, quand il l'écrit pour d'autres personnes qui vont recevoir ce qu'il a écrit, qui vont le réinterpréter, puis ce qui va provoquer des débats, surtout quand les sujets qu'on choisit souvent, pour les rendre pertinents, pour attirer l'attention des gens sur ce qu'on fait, on va les mettre en relation avec des sujets d'actualité. Donc, mettons, moi, je fais de l'histoire du pacifisme catholique au Québec. Des fois, pour rejoindre les gens, je vais dire, pourquoi est-ce que le pape François tient une position neutre durant la guerre en Ukraine? Puis là, c'est intéressant, on peut faire un lien avec la position de Benoît XV, qui était pape durant la Première Guerre mondiale. Donc, souvent, il faut faire ça. Il faut un petit jour, tour de passe-passe où il faut donner l'impression que ce qu'on fait, c'est beaucoup plus d'actualité que ça l'est réellement pour intéresser les gens. Ouais, il y a deux choses que j'aimerais mentionner à propos de ça. Premièrement, j'avais justement demandé à tes professeurs au bac, Monsieur Arsenault, oui, que moi aussi j'ai reçu à mon émission à Culturé. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Je pense que j'en ai écouté un extrait. J'avais justement fait la remarque que l'histoire, en fait, c'est un travail littéraire, en quelque sorte. Parce qu'il y a aussi une mise en récit. Absolument. Puis, quand tu parles d'une mise en récit, tu parles aussi de structurer l'information d'une certaine manière. Exact. Puis, les choix ne sont pas innocents quand on écrit un ouvrage de recherche. Juste le choix d'un sujet. Parler d'histoire coloniale, à notre époque, on a des débats sur la réconciliation avec les Premières Nations, c'est pas anodin. Donc, il y a cette vision-là, j'ai l'impression, où un savant, c'est quelqu'un qui tient absolument au savoir comme étant objectif. Mais quand on se ramasse à l'université, on se rend compte que la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est si tu penses que tu es objectif, tu ne l'es pas. Je veux dire, c'est un idéal, mais ce n'est pas quelque chose qui est atteignable. Puis ensuite, il faut se questionner, c'est quoi mon rapport à mon sujet? Moi, je fais de l'histoire du catholicisme au Québec, mais c'est parce que j'ai un rapport à la religion complexe que j'essaie moi-même un peu de mieux comprendre à travers ça. Quelqu'un qui va faire de l'histoire de... En tout cas, c'est ça, il n'y a rien qui est anodin dans les choix qu'on fait. Puis donc, oui, c'est une science, mais j'ai l'impression que quand on parle de science, c'est un peu trompeur comme terme. Puis c'est aussi un peu un apanage dont on souhaite se couvrir un peu pour... Parce que se dire être une science, c'est donner de la légitimité, veut pas. Avant de te demander c'est quoi faire de la recherche comme concrètement, je vais juste revenir à une chose que tu as dit où l'être humain est constant. Tu dis comme à travers l'histoire, parce qu'il ne change pas tant que ça. Mais il ne change pas fondamentalement. Puis dans le fond, c'est ça, c'est de départager qu'est-ce qui est une norme sociale comme par et qu'est-ce qui, pas nécessairement est biologique ou inné, mais dans le sens... Il faut prendre pour acquis qu'un être humain, c'est quoi? C'est quoi les caractéristiques qu'on lui prête? Puis cette catégorisation-là, elle change avec le temps. Je veux dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, par exemple, au niveau des normes genrées entre hommes et femmes, qui avant étaient considérées comme des réalités biologiques, et aujourd'hui, on considère que c'est plus du propre, du culturel. Moi, ce que j'ai en tête, c'est souvent dans les débats que je vois sur genre Twitter ou des affaires de même, c'est quand les gens ils essaient de justifier l'esclavagisme, ils disaient que l'esclavagisme, ça arrivait avant, puis il y a beaucoup de cultures qui le faisaient, puis whatever, les Romains, quelque chose. Oui. Ce qui arrive souvent, c'est que quelqu'un qui dit comme oui, mais tu sais, même dans le temps, là, c'est comme à n'importe quelle époque que tu peux pointer à, il y avait toujours des gens qui étaient abolitionnistes. Oui, c'est intéressant, puis c'est là qu'on voit que c'est ça l'histoire. On va jamais arrêter d'en faire parce que l'histoire va toujours servir un peu de modèle, un peu de... Parce que quand tu dis que quelque chose était présent dans toutes les sociétés anciennes, tu le naturalises. Ça revient à dire que c'est un peu comme la nature humaine d'avoir ce comportement-là et que dans ce cas-là, essayer de le changer, c'est un peu futile. C'est ça, un point de vue conservateur, essentiellement. Oui, exact. Puis pour ce qui est de l'esclavage... Alors oui, on peut dire que c'est arrivé dans les sociétés musulmanes du Moyen-Âge ou dans l'Antiquité romaine. Mais le problème, c'est que les descendants des esclaves que les Romains ou que les Athéniens avaient, il n'y a pas encore d'injustices socio-économiques chez leurs descendants. C'est ça la différence versus l'esclavage de la période coloniale qui, justement... selon le mouvement décolonial, a encore des conséquences aujourd'hui. Donc, oui. comme cette différence lente, c'est ça, à quel point est-ce que l'histoire... C'est, donc, voilà, c'est les répercussions que l'histoire a sur le présent. Ouais, c'est mais ça. Bon, c'est là, je dis des banalités, là. Ouais, ça, mais c'est parce que c'est un sujet quand même intéressant à quel point, ouais. comme l'esclavage, l'esclavagisme au début des colonies, structurer la société présentement. Ouais. Je voulais juste faire un petit... Oui, puis c'est là qu'on voit, mettons, dans le mouvement qui veut un peu réhabiliter ou nuancer les critiques qui sont faites aux confédérés. C'est là on voit bien le rôle de l'histoire dans l'identité. Parce qu'on s'identifie tous à un groupe d'ancêtres. Et donc, être critique de ce groupe d'ancêtres-là, c'est être critique d'une identité nationale. Et donc, ben, ça, évidemment, ça devient un sujet quand même très touchy. Oui, c'est ça. Ça revient aux racines de nos sociétés. Que... Oui, exact. Puis c'est des mythes. C'est un mythe fondateur. Puis là, il y a tous des gros débats en histoire sur le mythe versus la réalité. Puis en tout cas... Écoute, je vais te réinviter pour en parler. Mais là, il faut parler de recherche. Oui. Fait que, comment ça se passe, toi, pour toi, faire de la recherche? Comme je disais, tu faisais beaucoup de recherches pour ton émission, pour tes deux émissions, en fait. Oui, ben donc, c'est sûr, c'est pas tout à fait le même type de recherche, parce que quand je le fais pour mes émissions, je le fais pour moi. Là, je fais ça, on fait tout ça bénévolement à CISM, fait que, tu sais, je suis moins sévère envers moi-même. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire, c'est éminemment vaste, et donc, un historien ne peut pas se spécialiser sur toutes les périodes. Des fois, on a l'impression qu'un historien, c'est quelqu'un qui connaît comme toute l'histoire puis qui est capable de te raconter qui va super bien connaître de la conquête jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Québec, mais c'est pas ça. L'histoire, elle est déconstruite. Et donc, un historien va se spécialiser sur une période historique puis un espace géographique donné. Puis même souvent, il va se spécialiser aussi dans une thématique histoire économique, histoire religieuse, histoire culturelle, ainsi de suite. Et donc, une fois que c'est ça, une fois que l'historien a cette spécialisation-là, comment est-ce qu'il connaît le passé? Est-ce qu'il va aller écouter L'Histoire nous le dira pour connaître son sujet? Ça, c'est une autre, je pense, mes conceptions par rapport à l'histoire, c'est que on a l'impression que l'histoire, elle est connue. OK, l'histoire du Québec, on la connaît. Genre, on n'a pas besoin de refaire de recherche, on la connaît, l'histoire. Genre, on sait quel premier ministre a été élu à telle époque, c'est beau. On a juste besoin d'enseigner ce qu'on sait déjà, sauf que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on connaît vraiment mal notre histoire. Puis c'est, oui, OK, il y a l'histoire politique qu'on connaît un peu plus, mais on connaît vraiment mal notre histoire, c'est vraiment flou. Mais en fait, tu as juste besoin d'aller comme dans une société d'histoire d'un quartier quelconque, puis ouais. faire une visite d'un quartier pour te rendre compte à quel point tu connais pas bien ton quartier. Combien de noms de stations de métro est-ce qu'on dont on connaît l'origine. Je veux dire, comme moi, Crimazzi, j'ai appris récemment là, que c'était un poète canadien-français. Et donc, une fois qu'on parle de ce constat-là, qu'on ne connaît pas l'histoire, il y a des connaissances qui sont perdues par rapport à ça. Et pour des choses qui, à l'époque, étaient évidentes, mais aujourd'hui, sont complètement perdues. Par exemple, moi, je fais de l'histoire du pacifisme au Québec. Mais le résultat de mes recherches, c'est que le pacifisme au Québec était profondément religieux. C'était pas un des mouvements laïcs comme il y avait ailleurs dans le monde. Et donc ça, cette dynamique-là, on l'a perdu depuis les années 60-70. Ma génération n'a aucune sensibilité religieuse, fait qu'il faut redécouvrir ça. Et donc, à partir de là, donc comment est-ce qu'on découvre le passé? Bien, c'est en utilisant des sources, tout simplement. Puis les sources, c'est quoi? Ça peut être des journaux qui sont numérisés à la BNQ. Ça peut être, là, je suis en train de regarder dans le catalogue des jésuites, ça peut être des livres écrits par des jésuites, ça peut être des manuscrits du Moyen-Âge qui étaient faits à la main, ça peut être tout... C'est juste n'importe quelle trace laissée par le passé, ça peut être des sources iconographiques, mettons des affiches de propagande durant la Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des corpus de sources qui sont archivés dans des centres d'archives. Et donc là, on se rend bien compte hein, qu'on a peut-être juste, dépendamment des époques, il y a peut-être 1 à 10% des traces laissées par une époque qui nous restent. Donc déjà là, ça amène à un enjeu de mémoire. Comment est-ce qu'on reconstruit la mémoire d'une période quand il y a seulement certains types de sources qui nous restent pour la redécouvrir? Donc à partir de là, on fait une critique. Des sources critiques internes, critiques externes. Critique externe, ça veut dire dater la source, voir par qui elle a été faite. Est-ce que c'est une reproduction? Est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que c'est une traduction? Est-ce qu'il s'agit d'un manuscrit qui a été fabriqué à la main par un moine pendant un an, ou est-ce que c'est un texte qui a été publié à 100 000 exemplaires? Donc, ce genre de choses-là, c'est évidemment, ça, c'est très évident, mais c'est... Voilà, c'est ça la recherche. Et la critique interne, donc ça, c'est vraiment une critique du contenu. Comme là, moi, je suis beaucoup dans les journaux des années 20 et 30 présentement. Puis donc, j'étudie, par exemple, le discours de certains... mettons, là, je suis tombé sur Joseph Papin-Archambault, qui est un jésuite qui a été un peu associé avec l'Action nationale, avec l'École sociale populaire. Donc, pas besoin de savoir c'est quoi, mais dans le fond, c'est un mouvement donc qui tente de moderniser la religion, mais aussi de concurrencer les mouvements laïcs, libéraux, puis les mouvements socialistes. Donc, c'est comme une église un peu qui s'organise pour tenter de s'adapter à la modernité, en quelque sorte. Puis quand on parle de modernité, on parle de modernité de v'là presque 100 ans. Oui, ben voilà, la modernité, c'est... L'époque moderne, c'est... En tout cas, voilà, ça peut être bien des affaires. Puis c'est drôle parce que je suis tombé sur des articles de journaux qui datent d'il y a 100 ans, genre qui datent des années 20, puis qui disent, qui parlent du bon vieux temps, que eux, c'était le 19e siècle où la femme s'occupait de la maison, c'était donc bien mieux avant, puis aujourd'hui, on est une société dépravée, puis de l'individualisme. Ça fait 100 ans qu'on dit que l'individualisme, c'est le mal du siècle. Tu sais, c'est drôle comment il y a des... Des fois, on manque de perspective sur l'histoire. En tout cas. Mais bon, là, je m'égare. Mais donc, juste pour peut-être vous donner un exemple quand même intéressant de critique de source. Là. En 1440, il y a un humaniste italien qui s'appelle Laurent Valla. OK, en gros, un peu de contexte. L'Église catholique romaine, donc de Rome, a... pour longtemps utilisé durant le Moyen-Âge, un texte qui s'appelle la Donation de Constantin, qui est donc un texte qui supposément aurait été promulgué par l'empereur Constantin, donc le premier empereur romain à se convertir au christianisme, et donc donnait des prérogatives et des territoires en Italie à l'évêché de Rome, qui va devenir la papauté. Donc souvent dans les disputes théologiques entre Rome entre les catholiques et les orthodoxes de l'Est, c'était un texte qui était mis de l'avant un peu comme un argument pour montrer qu'effectivement, Rome avait un peu la primauté sur les autres églises de la chrétienté. Et en 1440, il y a un humaniste italien, puis évidemment, le texte avait été critiqué par les orthodoxes d'Europe de l'Est. Donc, c'est ça, Laurent Valla a prouvé que cette donation de Constantin était forgée, était un faux, en prouvant que le langage qui était utilisé, donc j'imagine du latin ou du grec, je ne me souviens plus, qui était utilisé, les termes qui étaient utilisés, de la façon dont était employée la langue, dataient du 8e siècle après Jésus-Christ, donc 500 ans après Constantin. Donc c'est un chouette exemple, c'est assez anecdotique, mais je trouve que c'est un bel exemple de critiquer une source, ça peut être aussi ça, c'est de questionner l'auteur, c'est de comprendre un peu c'est quoi le langage qui est utilisé. Moi, par exemple, j'étudie le pacifisme, mais dans les faits, quand on parle de paix, on parle d'autre chose. C'est ce dont je suis en train de me rendre compte. Donc, par exemple, quand on parle de paix, ben, ce qu'on dit, c'est que, OK, le pacifisme catholique, c'est le seul vrai pacifisme parce que les pacifistes laïcs ou les pacifistes protestants ou les pacifistes socialistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est le désordre social. Donc, en tout cas, ou alors, par exemple, je suis tombé sur des journaux féministes, un journal qui s'appelle La Bonne Parole, dans lequel quand même des grands noms du féminisme du début du siècle ont écrit au Québec. Puis c'est un journal qui met de l'avant le rôle des femmes dans les discours de paix. Mais ce qu'il dit, c'est parce que la femme a une nature pacifiste, parce que... voilà, parce que c'est la nature féminine et maternelle et pacifique, c'est aux femmes d'inculquer des valeurs de paix aux enfants. Donc, en tout cas, mais là, ça amène toutes sortes d'enjeux parce que au même moment, il y a des délégations féministes qui sont au traité de Versailles pour revendiquer le droit de vote des femmes. Donc, en tout cas, donc il y a tout ça. Donc, la critique des sources, c'est pas juste lire Lionel Groulx et être comme « Oh, wow, quel grand écrivain canadien-français », c'est être critique des sources. Puis ça, les gens ont tendance à l'oublier parce qu'on a tendance... La mémoire collective a tendance à créer des figures héroïques. Alors que l'historien, lui, garde une distance critique. Ce qui est paradoxal parce que souvent, certains commentateurs de l'actualité vont dire « Ah, les gens qui dénoncent Lionel Groulx, ils savent pas de quoi ils parlent. Les historiens, eux... vous le diront, mais même les historiens ne sont pas d'accord sur quoi penser Lionel Groulx. Il y en a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. » Il y a deux choses que je retiens de ce que tu dis présentement, c'est que d'un côté, c'est l'appréciation ou la critique interne. Oui, critique interne. La critique interne d'un document, c'est premièrement, tu vas examiner le texte pour voir s'il correspond bien à ce qui était produit dans l'époque. Comme ça, on peut voir si c'est un vrai ou un faux. Mais aussi, c'est que ma première intuition, c'est que la lecture interne, la critique interne d'un texte, c'est comme de un peu décortiquer l'idéologie qui est présente dedans pour être capable de le mettre un peu en contexte. C'est se demander, c'est quoi l'intention de l'auteur quand il écrit ça? Est-ce que le texte est cohérent? C'est aussi des fois le comparer à d'autres sources. Est-ce que... Ça paraît évident, mais c'est comme... Est-ce que, par exemple, là, je suis tombé sur un journal, c'était L'Ordre Nouveau, qui parle du... qui dit à quel point Salazar, au Portugal, a fait du bien à la société portugaise. Mais tu sais, Salazar, c'est un dirigeant fasciste. Là, donc, ça montre un parti pris idéologique qui est super intéressant. Mais ça veut dire que peut-être que cet article-là ne sera pas la meilleure source d'information à elle seule sur... Salazar, parce que tu sais. Mais ça peut te dire, ça peut te renseigner sur c'est quoi la perception au Canada français des régimes fascistes. Qui, ça, est un gros sujet parce qu'on se demande beaucoup est-ce que nos ancêtres étaient fascistes. Ils étaient un peu sympathisants avec les fascistes. Ben, bon. Tout dépendant de quelle partie, j'imagine. Puis, oui, non, puis c'est ça. Puis ça, c'est une autre question. Il faut bien garder en tête que c'est sur ça qui représente des partis pris idéologiques. Ils ne représentent pas toute la société entière. Ils représentent un parti pris idéologique, puis on le voit bien en élection, c'est difficile de trouver un consensus au sein de la société. Ben, c'est la même chose à l'époque. Puis même, je veux dire, le passé, les sociétés passées sont aussi complexes que les sociétés présentes, puis on a moins d'informations sur elles pour les comprendre. Fait que, des fois, les gens, quand ils parlent du Moyen-Âge, puis là, ils vont dire « le Moyen-Âge, c'était comme ça », ils ont perdu de vue un peu cette complexité-là. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi un certain... Les gens, ils ont de la... Généralement, ils tendent à réinterpréter les choses avec leur propre biais idéologique. Oui, évidemment, tu sais, c'est comme... tu sais, là, par exemple, je sais pas, il y a plein d'exemples de ça, mais souvent, mettons parmi les mouvements plus progressistes, on va essayer de trouver des exemples de sociétés anciennes qui étaient plus libres, moins avec des normes moins rigides que celles... que les nôtres, parce que justement, encore là, ça sert d'exemple pour montrer que, ah, ben regardez, ces normes-là sont pas naturelles nécessairement. Ouais, c'est ça. Il y a comme il y a certaines choses qui sont plus naturelles que d'autres, puis comme le bien naturel de certaines choses, tu sais. C'est ce que je veux dire, c'est que tout dépendant de ton idéologie, tu vas vouloir... naturaliser certains comportements. Oui. C'est dire que comme ça, ces comportements-là sont naturels, sont bien. Oui, des fois, on dit aussi essentialiser, donc dire un peu que c'est comme ça l'essence. Puis, tu sais, maintenant, je suis tombé sur les articles, les éditoriaux de Henri Bourassa qui se prononçait sur le droit de vote des femmes, puis lui, il était comme fondamentalement contre. Puis c'est ça, tu sais, là, c'est une essentialisation de ce qu'est la femme. Puis c'est, ben, tu sais, c'est ça l'expression de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. C'est ça, c'est dire que être femme, c'est la société qui donne un sens à ça, puis qui définit c'est quoi une femme et non la réalité biologique. En tout cas, donc, ça, c'est un débat pour une autre fois. Puis je suis sûr que les gens à la maison sont capables de se faire une opinion par eux-mêmes sur la question. Mais c'est ça, c'est intéressant de voir comment les théories... post-structuraliste de Michel Foucault sont très présentes dans la recherche historienne présentement. Vincent, on parlait la semaine passée de comment faire de la recherche. Maintenant, j'aimerais ça savoir comme comment, une fois que tu as fait ta recherche, comment tu es sûr que ton information est bonne? Oui, donc là, c'est ça. Je suis allé faire ma recherche en archives. J'ai pris des petites photos des pages de journaux des années 20-30. Là, je reviens chez moi, je relis, je prends des notes, et ainsi de suite. Puis là, c'est là que commence un peu le travail historien fondamental. On écrit, on interprète, on analyse, on compare. C'est ça, c'est une réflexion qu'on fait à partir des sources. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On montre, est-ce que tel journal, sa position évolue à travers le temps? Est-ce que les positions de deux journaux à la même époque sont différentes? Est-ce qu'on se demande, comment est-ce que ce journal féministe, qu'est-ce qu'il nous apprend sur les rapports genrés, donc entre hommes et femmes, à son époque? On se demande, moi par exemple, quel est le discours des journaux canadiens et français sur la question de la paix? Comment est-ce que les catholiques se positionnent par rapport à la Société des Nations, qui est une institution laïque fondée par un président américain qui est protestant, ainsi de suite? Ainsi de suite. Donc, on questionne, puis donc on met par écrit. Puis la mise par écrit, c'est quand même caractéristique de... Attends une minute, je veux juste revenir un peu en arrière avant de passer à la mise par écrit. Je veux juste m'assurer de bien comprendre, tout dépendant du sujet que tu vas essayer d'explorer, tu vas juger tes sources par une liste de critères que tu vas avoir. En quelque sorte, puis dans le fond, c'est pas de savoir est-ce que cette telle source est valide ou non, c'est plus chaque source, qu'est-ce qu'elle m'apprend. Puis c'est ça qui est super, c'est que chaque génération d'historiens, à cause de préoccupations contemporaines qui sont différentes, va réinterpréter les mêmes sources différemment. Donc, il y a eu des tendances plus nationalistes. Par exemple, dans l'historiographie québécoise, par exemple, je reprends l'exemple de Lionel Groulx, qui vont dire « Ah, Lionel Groulx, c'était l'affirmation d'une identité canadienne-française. Voilà, une affirmation plus... plus fière, ainsi de suite. » Alors que la génération d'après va dire « Ah, ben Lionel Groulx, c'est aussi de l'anti-judaïsme puis des idées qui frôlent le racisme. » Puis là, ça crée des débats. Mais c'est ça qui est intéressant. Puis là, ça, je donne un exemple qui est très polémique, mais il y a des fois, c'est beaucoup plus... c'est pas mal différent. C'est pas toujours... Il y a pas toujours de quoi monter, grimper au rideau, là. Je pense que j'ai vu, genre sur Facebook ou Twitter, quelqu'un qui parlait de, si je me trompe pas, Lionel Groulx, puis qui disait c'était le Trump de son époque. Bon, là, j'ai coécrit un article sur ce sujet qui va peut-être sortir cet automne, mais c'est ça. Puis, tu sais, on a écrit ça à plusieurs, mais la conclusion du texte, c'est que Lionel Groulx, en fond, nous, ce qu'on se demandait, c'est un de ses livres qu'il a écrit en 1919, L'appel de la race. Est-ce que il s'inscrivait dans un discours racialiste, donc qui hiérarchise les différentes ethnies, entre guillemets, humaines, selon comme une hiérarchie un peu des races. Donc, évidemment, une idéologie qui était très omniprésente dans le discours intellectuel avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui, avec l'Holocauste, a été complètement abandonnée, hein, évidemment. Puis nous, les conclusions, c'est qu'il s'inscrit partiellement dans ça, mais pas juste. Donc, dans le fond, on se demandait l'identité canadienne-française, selon lui, est-ce que c'est... Parce qu'il utilise le terme de race, mais le terme de race était communément utilisé à l'époque. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il entendait par race? Dans le fond, c'est ça la question qu'on se posait. Donc, on lisait le livre, puis on comparait avec des auteurs racialistes, on comparait avec d'autres auteurs religieux pour qui... la religion était beaucoup plus importante que des considérations ethniques dans la définition d'une identité commune. Est-ce que c'était la langue qui était le plus important? En tout cas, donc, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, c'est poser ce genre de questions-là. Puis c'est ça. Puis donc là... Mais, oui. Oui, non, mais j'allais juste faire une parenthèse dans le sens où Trump est reconnu pour faire de la politique identitaire. Oui. Puis est-ce qu'on pourrait comme faire un lien avec ça? Bien, c'est le genre de questions que les historiens se posent pas trop. D'un côté, parce que ça dépend ce que tu entends par identitaire, puis ça, c'est quelque chose de quand même très vague. Puis aussi, dire que Lionel Groulx est oui ou non comme Trump, puis la question est un peu saugrenue, ça t'en apprend pas beaucoup sur Lionel Groulx, dans le sens que, en tout cas, c'est pas... Par contre, ce que tu peux faire, c'est faire une étude longitudinale, donc sur le long, des discours en Amérique du Nord par rapport à l'immigration. Donc, par exemple, dire que dès la Première Guerre mondiale, tu as eu des mouvements de fermeture des frontières et d'exclusion des immigrants. Pierre Anctil, un professeur de l'Université d'Ottawa, a écrit fin 2020 un livre là-dessus. Ça s'appelle « L'antijudaïsme au Québec, le cas de l'Action catholique », une affaire de même, un excellent livre, où justement il se penche sur les discours anti-judaïques au Canada français. Puis ce qu'il montre, c'est que c'est pas des discours un peu comme le discours nazi qui se base sur l'identité juive comme un groupe ethnique différent, c'est plus un discours d'exclusion basé sur des critères religieux. Mais donc là, si on parle de ça, puis là on se rend jusqu'à aujourd'hui en passant par exemple à la Deuxième mondiale avec les camps de détention de Canadiens, d'Américains d'origine asiatique. Ensuite, on pourrait parler d'un mouvement de libéralisation, de mondialisation, d'ouverture des frontières dans les années 70. Puis là, on retourne. Donc, ça serait intéressant. Ce serait de voir un facteur, un phénomène, donc la fermeture des frontières, la méfiance vis-à-vis de l'immigration, de voir comment est-ce qu'il évolue, selon les sources, en fonction des époques. Ça, je trouve, ce serait une approche plus fertile que de juste se demander c'est quoi les points communs entre Lionel Groulx et Donald Trump, qui, en plus, l'un est un dirigeant politique, l'autre est un intellectuel, abbé, enseignant. Je pense que c'est lui qui a fondé le département d'histoire de l'Université de Montréal. Notre département porte son nom. Donc voilà, c'est ça. C'est comment se poser une question qui va être intéressante puis qui va pas en faire en sorte que les considérations contemporaines priment sur la connaissance du passé, ainsi de suite. Puis avant de procéder, je sais que je pose essentiellement une question divulgachie, mais les conclusions de votre article, ça... Ben, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que Lionel Groulx se situe entre les deux. Il y a des composantes de son discours qui, oui, on peut dire sont racialistes, de ce qu'il a écrit en 1919. Hein. Ensuite, le discours de Lionel Groulx change à travers le temps. À ce moment-là, donc au début de sa carrière, oui, il y a des composantes qui s'inscrivent dans ça. Donc, il y a toute une idée que les anglophones puis les francophones du Canada sont des races supérieures. Il y a un déni du métissage avec les Autochtones. Hein. Il y a un anti-judaïsme, il y a un racisme envers les Noirs, les Afro-descendants. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi une composante où, selon Lionel Groulx, la religion catholique est une composante essentielle de l'identité canadienne-française, mais aussi de la langue française. Ce qui est quand même très intéressant parce que voilà, tu sais, puis ça fait que dans un autre livre qu'il a écrit, j'ai oublié c'est lequel, c'est. J'ai oublié, non, en tout cas, il a écrit ça en 1921, puis dans le fond, il fait le récit d'un avocat canadien-français qui était très assimilé à la culture anglophone et qui, un beau jour, se réveille avec un élan de nationalisme canadien-français. Puis dans ce livre-là, ce qu'il dit, Lionel Groulx, c'est même entre... Puis là, je cite, même entre... Ben, je cite, je me souviens pas de la formulation, et je paraphrase. Même entre deux races supérieures, comme les anglophones et les francophones, le métissage est impossible. Puis, tu sais, en tout cas, donc, ce genre de discours-là, donc, ce qu'on dit, c'est une réponse nuancée qui dit que voici en quoi Lionel Groulx, son discours, peut être inclus dans les discours racialistes et voici en quoi son discours se démarque de d'autres sur la question de l'identité canadienne-française. Ça va être intéressant à débattre quand l'article va sortir. Tu m'enverras le lien, je vois le Oui, bien certainement. Je vais le partager. Oui, c'est ça. Essentiellement, tantôt, tu parlais de recherche ouais. Et tu allais nous parler de la mise en écriture. Oui, exact. Puis, parce que si tu es là pour... si tu m'invites pour parler de recherche, hein, c'est un peu une réflexion sur la vérité, sur la connaissance, comment on fait pour être sûr de ce qu'on dit. Évidemment, on ne peut jamais être sûr de ce qu'on dit, mais il y a quand même un appareil critique qui se met en place dans la recherche historienne. puis des considérations méthodologiques à garder en tête. Donc, tu sais, par exemple, les notes de bas de page, c'est vraiment niaiseux, mais un livre qui n'a pas de notes de bas de page, pour un historien, il va juste pas le prendre au sérieux. Même les autres disciplines comme la socio, c'est quand même très drôle, qui font des notes à l'intérieur du texte, donc entre parenthèses, ils vont écrire le nom de famille de l'auteur, puis l'année. Même ça, c'est pas pris au sérieux par un historien. Moi, j'ai entendu 2-3 profs snobber un peu cette méthode-là de citer. Alors que, la note de bas de page, c'est beaucoup plus sérieux, ça permet de retrouver exactement l'information. Alors que dans les faits, les 3/4 du temps, à moins qu'on s'intéresse vraiment au sujet, on va pas les lire, les notes de bas de page. Mais c'est là que tu vois que un signe qui indique une recherche sérieuse devient lui-même un marqueur un peu de légitimité du travail. Je sais pas comment dire. C'est comme si le signifiant devenait le signifié. Je sais pas trop comment dire ça. Ouais, je comprends un peu. Parce qu'à la base, une note de bas de page, ça indique une démarche sérieuse parce que ça permet de retrouver les informations qui sont citées, donc ça permet de vérifier l'information. C'est pas comme faire des affirmations. C'est qu'ici, la mise en forme est comme plus importante que l'information elle-même. Ben, pas plus, mais autant oui. Autant, donc ouais. Oui, puis c'est le snobisme de mise en forme. Un peu, ben là, j'exagère un peu, mais en tout cas, je trouvais ça drôle. Donc voilà, puis évidemment, bibliographie, toujours. Puis ça, c'est des choses qui se vendent mal. C'est pour ça que souvent, c'est des choses qui vont être enlevées quand un mémoire ou une thèse va être adaptée en livre pour être publiée à une plus grande échelle. C'est la première affaire qui prend le bord parce que ça vend mal. Mais au niveau de la recherche, c'est super important parce que ça permet de montrer sur qui on se base pour affirmer ce qu'on fait. Puis ça, je pense que c'est le point le plus important. Des fois, on a l'impression que la recherche ou que la recherche académique, c'est quelque chose qui se fait seul, avec un savant qui est seul. Il y a souvent l'expression de la tour d'ivoire qui est reprise. Puis voilà, il y a la connaissance... total sur un sujet, mais l'histoire, puis c'est vrai de toutes les autres disciplines, c'est quelque chose qui se construit en communauté. Tu te bases sur les travaux des autres, puis là, soit en les critiquant, soit simplement en voulant les approfondir, ou en les complétant, ou en voyant, OK, tel auteur a écrit ça sur les années 30, moi, je veux voir ce que dit, pourquoi ça s'applique, oui ou non, aux années 20, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose de... On lit beaucoup. C'est pour ça qu'à la maîtrise, on lit énormément. On lit ce que les autres historiens ont dit sur notre sujet. Tu ne peux pas arriver et poser toi-même tes propres questions parce que ça se peut que quelqu'un les ait déjà posées à ta place, ainsi de suite. Donc, il y a cette idée que ça ne se fait pas seul. Tu te bases sur les écrits des autres et ensuite, tu trouves une parcelle un peu du sujet qui a été moins bien exploré où il y a plus d'ombre que tu veux éclairer. Puis, ensuite, ce que tu écris, que ce soit un article, que ce soit un compte-rendu, que ce soit un travail de recherche, ça va être évalué par un jury, par un comité d'experts indépendants, par un comité de rédaction. Donc, tout ce que tu écris, ça va être lu, ça va être critiqué, ça va être validé ou non par d'autres personnes qui se spécialisent. Puis ça, je pense que souvent, c'est ce qui manque un peu dans... c'est que c'est un long processus. Tu écris quelque chose, puis pendant un an, tu vas recevoir du feedback sur ce que tu as écrit. Alors que dans le monde médiatique, puis ça, je vous apprends rien, tout va tellement vite que tu n'as pas le temps d'avoir un contrôle de qualité de l'information. L'important, c'est pas qui a la réflexion la plus nuancée sur le sujet, c'est qui est le premier à écrire une manchette sur le sujet parce que c'est pour avoir de l'attention, pour avoir du revenu publicitaire, pour avoir des clics. Et donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la plus grosse différence entre le grand public, entre guillemets, puis le monde médiatique, puis la recherche académique. C'est que dans la recherche académique, ton sujet, tu l'étudies pendant 3 ans. Juste, mettons, sur Lionel Groulx, on a fait ça durant une session. Fait que ça a pris comme 3-4 mois de réflexion, de lecture, d'analyse pour au final arriver avec une réflexion nuancée qui nous apprend rien, mais qui prend pas position clairement parce que justement, le but, c'est juste d'approfondir un peu notre réflexion puis de comprendre la complexité d'un sujet plutôt que de le simplifier, de prendre en compte plus de facteurs. Donc, Donc, c'est ça. C'est ça. Dans le cas de l'article sur Lionel Groulx, il y a plusieurs heures de travail séparées à travers plusieurs personnes qui donnent, admettons, en termes de man hours. Oui, exact. Puis ensuite, ça fait un texte long, tu sais, c'est pas juste 200 pages, 200 mots. C'est ça. 200 mots pour comprendre. Puis, tu sais, je pense que le meilleur exemple de ça, c'est les débats électoraux. À quel point tu peux pas parler de façon intéressante de la crise du logement en 45 secondes. Fait que ce que les gens disent, ça va être des petits mots-clics. Ça va être de faire appel aux émotions des gens. Puis ensuite, le vrai travail, tu sais, va se faire en commission parlementaire bien après ça. Donc, je pense que c'est ça la plus grosse différence. C'est que la recherche académique, elle a le temps. Le temps de s'interroger. Moi, ma maîtrise, je vais la faire sur une période de 2 ans. Puis je l'ai déjà commencé l'an passé parce que je prenais de l'avance. Fait que, tu sais, ça va être comme 3 ans où je travaille sur un sujet. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des grosses différences à laquelle j'avais même pas pensé en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Mais quand même, quand on parle de faire relire les choses, il y a quand même... les relecteurs, les correcteurs ont quand même un biais aussi, eux autres. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. Il y a personne qui est infaillible, mais veut pas. Quand tu es avec d'autres experts sur la question, c'est quand même les personnes les mieux formées pour en parler parce qu'eux aussi, c'est des gens qui ont passé des années à étudier le sujet. Puis des fois, les sujets, là aujourd'hui, je lisais comme des articles sur le thomisme. Donc, comment est-ce que les auteurs catholiques du début du 20e siècle, ont réinterprété la pensée de saint Thomas pour moderniser le discours de l'Église parce que l'Église se fait concurrencer par des mouvements socialistes puis des mouvements libéraux. Puis là, ça amène un espace d'échange transnational entre les États-Unis, la France, le Québec. C'est super intéressant, mais c'est super pointu. Puis ça m'amène à mon dernier point. La recherche, elle est vraiment sur-spécialisée. Mais peut-être pas sur-spécialisée, en tout cas... La recherche, c'est très spécialisé présentement. On est loin de, je sais pas, de l'archétype du savant, genre de la Renaissance, qui était un peu de Léonard de Vinci, qui était à la fois botaniste, musicologue, ingénieur, architecte, musicien, peintre. Là, c'est le contraire. On est vraiment dans un monde qui est très fragmenté. Il y a peu de collaboration puis de communication entre les différents départements universitaires, par exemple. Les historiens, ils vont rarement travailler avec des sociologues. Et donc, ça crée des enjeux parce que, de un, ben, tu sais, il y a tout un langage très pointu, très recherché. Hein. On parle de quand même de gens qui ont fait des maîtrises, des doctorats. Donc, veux pas, tu sais, c'est quand les gens parmi les plus scolarisés de la société se mettent ensemble, ben, t'sais, ils vont se comprendre entre eux, mais la personne qui a pas fait son secondaire 5, elle aura peut-être pas le bagage ou la culture littéraire pour bien comprendre. Puis la recherche est très inaccessible. Hein. Souvent, il y a des paywalls. Il faut payer ou ça prend un accès universitaire pour y avoir accès aux recherches parce que c'est des journaux de recherche qui les publient. Ou alors, juste, c'est pas tout le monde qui a les connaissances, mettons, d'aller sur Google Scholar ou sur Sophia. En tout cas, des moteurs de recherche qui sont utilisés par la recherche, mais qui sont pas utilisés par le grand public. Puis donc, ça crée vraiment un gros clivage entre la recherche académique puis l'histoire grand public, qui est beaucoup plus dans la vulgarisation, qui est dans le contenu des grandes synthèses générales, puis qui fait malheureusement souvent un climat... connaissance historique pour le grand public où certains épisodes vont être comme surmédiatisés. Donc, mettons, on connaît super bien l'Égypte, Rome, Napoléon, la Deuxième Guerre mondiale, mais des périodes comme le Moyen-Âge ou le 17e siècle, ou des époques qui ont un moins grand succès commercial dans les musées, dans les vidéos de vulgarisation sur YouTube, vont recevoir moins d'attention. Alors que, bien souvent, le but de la recherche, c'est de déclarer ces moments-là qui sont moins bien connus. Pour en finir un peu avec le sujet de la recherche, je pense que tu voulais me parler un peu de vulgarisation. Oui, bien, c'est ce qui est chouette, c'est de... Parce que moi aussi, j'anime à CISM, culturé le jeudi midi. Puis, donc, comment est-ce que concrètement, ce que je fais à l'université, ça se transpose dans un contexte radio. Radiophonique. Oui, bien, la première chose, encore une fois, les considérations méthodologiques, des fois, elles prennent le bord. C'est moins ludique si je commence à toujours citer mes sources. Puis même si je les cite, je me suis rendu compte, bien, la personne lambda qui m'écoute puis qui souhaite aller lire l'article, il n'y aura pas accès parce qu'elle n'a pas d'accès universitaire pour avoir accès à des trucs comme JSTOR, les bases de données de recherche. Donc, il y a ça. Il y a aussi comment attirer l'attention des gens parce que c'est ça, souvent, moi, je me souviens, j'ai fait un épisode où je parlais des impacts démographiques puis des politiques de répartition des terres faites par la Russie, l'Autriche et la Prusse en Pologne. Donc, comment ça... Donc, tu sais, c'est des sujets super pointus puis, parce que j'étais tombé sur des articles qui parlaient de ça, puis moi, tu sais, je vulgarisais un peu l'article. Mais comme... C'est pas tout le monde là, qui va s'intéresser à ça. Là. Alors que, mettons, l'épisode que j'ai fait sur Luigi Duvernay, qui était un des leaders patriotes, ça va beaucoup plus attirer l'attention. Puis c'est correct, les gens ont leurs intérêts. Mais encore là, ce que ça fait, c'est que c'est certains événements, certains moments vont recevoir toute l'attention. Alors, puis donc, on va finir par leur accorder beaucoup trop d'importance. Comme là, récemment, à Culturé, on faisait un épisode où on parlait du mythe de la grande noirceur. Mais c'est ça, alors que ce qu'on montre, c'est que peut-être qu'on a exagéré la rupture qui était la Révolution tranquille. On y a donné trop d'importance, on a trop fait comme s'il y avait une grosse différence entre l'avant et l'après, alors qu'il y a des continuités entre les deux. Enfin, ça, c'est d'autres enjeux, mais c'est ça. Mais c'est ça, essentiellement, les événements historiques, ils surviennent pas dans le vide. Non, c'est ça, puis souvent, ce qu'on voit, c'est que mettons, avec la Révolution tranquille, la laïcisation, elle avait déjà commencé sous Duplessis, parce que même si Duplessis était beaucoup plus aligné avec les positions du clergé canadien français, il reste qu'il a quand même renforcé l'État. Et c'est cet État renforcé qui est devenu l'État-providence qui a éclipsé un peu l'Église. Ou alors, tu sais, mettons, il y a beaucoup de politiques économiques, mettons, de Jean Lesage, qui étaient des continuations En tout cas, donc, vous irez écouter. Mais... Oui, c'est super intéressant. Mais... Fais-nous un résumé de ton émission. Quand on parle de vulgarisation, essentiellement, faire un sujet qui va intéresser quelqu'un aussi, des sujets plus populaires, parce que tu dois avoir des données sur qu'est-ce qui a le plus de clics que l'autre affaire. Ben pas... Oui, bon, en tout cas, on sait pas combien... Ça, c'est la... je vous révèle les coulisses de CISM. On ne sait pas combien de gens nous écoutent sur la FM. Non, c'est ça, on ne le sait pas. Puis on ne le fait pas pour ça. T'sais, on est là bénévolement. On fait ça pour le fun. Peut-être paye. mais non, on a un peu d'informations sur combien de gens nous écoutent, mais en général, on ne sait pas vraiment. Donc, ouais, on lance ça dans le vide, puis on se dit, ah, ben ici, s'il y a 3 personnes qui m'ont attrapé durant leur heure de midi puis qui ont aimé ça, tant mieux. Une autre dimension aussi que je trouve chouette avec Culturé, c'est aborder les questions des œuvres populaires. C'est quoi la vision de l'histoire qu'elle véhicule? Parce que en histoire, c'est beaucoup ça. C'est pas juste dès qu'on parle d'un sujet, faut pas juste se demander qu'est-ce que moi je sais, qu'est-ce que je sais pas sur ce sujet. Il faut se demander qu'est-ce que collectivement on pense de ce sujet-là. Un exemple parmi d'autres, les historiens qui parlent des Scandinaves, qui parlent des Vikings, ils doivent se questionner sur c'est quoi l'idée préconçue que les gens ont des Vikings. Puis d'un côté, ça se permet de rejoindre les gens, mais de l'autre côté, le but de l'historien, c'est aussi un peu de déconstruire certains préjugés. Puis c'est ça. Puis mettons, moi, je me souviens, les premiers épisodes de Culturé que je faisais, c'était, mettons, Tintin au Congo. C'est quoi? Comment est-ce que ça raconte la colonisation belge du Congo? C'est quoi les partis pris? Astérix, comment est-ce que ça raconte la... Ou mettons, Kaamelott, la série Kaamelott, comment est-ce que ça raconte la christianisation du monde médiéval? Puis ça, je trouve que c'est une approche qui est quand même chouette parce que ça permet de rejoindre les gens en parlant d'œuvres qu'ils connaissent. Mettons le film La Reine Margot, Les Trois Mousquetaires. Tu sais, ça... Ah, waouh, j'ai vu le film, ça attire l'attention. Puis ensuite, tu, tu manipules les gens, tu les rediriges vers l'histoire plus faite par les historiens qui est moins sensationnaliste. C'est ça l'affaire aussi. L'histoire académique, ça a l'air plate. Mm-hmm. Quand t'en fais pas. Ça a l'air vraiment plate. Un texte de 30 pages qui fait juste dire si Lionel Groulx était un peu ou beaucoup raciste, comme avec des termes super techniques, ou, tu sais, mettons sur le discours de paix d'un journal syndicaliste catholique de 1927 à 1938 à Québec, genre pour le grand public, c'est vraiment plate. Alors que pour un historien, c'est ça le plus intéressant. Alors que juste parler des modèles de tanks soviétiques puis allemands de la Deuxième Guerre mondiale, ça t'en apprend moins. Encore là, tanks, on pourrait... Mais un historien pourrait rendre ça intéressant pour lui-même en, mettons, disant qu'est-ce que ça nous apprend sur le modèle d'organisation de la production industrielle de l'Union soviétique ou sur le partage des connaissances militaires et d'ingénierie entre l'Ouest et l'URSS, par exemple. Là, c'est ça s'appelle problématiser un sujet. Donc, comment utiliser un sujet, par exemple, les modèles de tank, et nous dire, OK, à partir de là, qu'est-ce que ça me permet de mieux comprendre sur cette époque-là? Ouais, c'est drôle ce que tu dis parce que il y a souvent des gens qui sont comme un petit peu gosseux puis patenteux ou des gens qui sont comme mécaniciens ou mécanos un peu puis sont intéressés justement par les tanks de la Deuxième Guerre mondiale. Puis eux autres, c'est juste une genre de fétichisation de la mécanique comme telle. Ouais, ben puis tu sais, c'est tout à fait légitime en soi comme intérêt. C'est juste qu'ensuite, souvent, ces gens-là vont prendre par exemple un cours d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale puis ils vont être déçus parce que là, ça va être de l'histoire culturelle, ça va être de l'histoire sociale sur, par exemple, mettons les impacts que la guerre a eu sur. La répartition du travail sur le front domestique entre hommes et femmes. Ou alors, même chose pour les croisades, par exemple. Ça va pas être une histoire militaire. Souvent, je pense que c'est ça. C'est, l'histoire militaire, c'est très médiatisé, c'est très commercialisé. Mais le déroulement d'une bataille, ça intéresse moins les historiens que des questions, par exemple, OK, comment est-ce que l'occupation de Napoléon en Italie a influencé le mouvement nationaliste italien des années 1860. Comment est-ce que ça a organisé l'organisation sociale de l'Italie sur le plan constitutionnel? Ainsi de suite. Comment est-ce que les guerres napoléoniennes ont influencé l'économie canadienne parce que le blocus continental faisait que le Royaume-Uni En tout cas, essentiellement, c'est toujours comme une genre de mise en contexte de l'information, puis sa continuité dans l'histoire aussi, comme sa position. Oui, puis tu sais, ensuite, c'est ça, là, c'est une autre approche, c'est continuité versus rupture, mettons avec la Révolution tranquille, comme je disais tantôt. Là. Donc, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, puis c'est ça, puis c'est. Oui, donc, puis c'est ça, c'est qu'il y a un gros intérêt en histoire, mais il y a un grand écart entre la recherche académique puis l'histoire grand public. Puis là, je dis pas ça pour snobber, pas du tout. Là. Moi aussi, là. Comme avant de me coucher, j'écoute des documentaires sur les batailles de Napoléon, genre puis le déroulement. Puis là, tu vois, c'est comme, OK, tel général à telle heure a fait tel move. Comme c'est vraiment trippant, mais c'est juste, c'est pas ça la recherche académique. Parce que il faut comme sortir de l'anecdotique, puis du sensationnel. Écoute, sensationnalisme, c'est un mot comme quand même assez difficile à dire. Oui, merci. Je l'ai dit à l'émission de la semaine passée avec mon invité qu'on parlait d'araignée, de sensationnalisme. C'est le dire plusieurs fois de suite, c'est pas évident. Donc, écoute, c'est pas mal ça qu'on a comme temps pour l'émission. Juste un petit résumé, une bonne recherche en quatre points, ça tient de quoi? Une bonne recherche, c'est d'être évalué les pairs. Donc maintenant, quand on trouve de l'information, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis là, les gens vont nous relever, « Ah, mais ça m'a l'air louche à cause de ci, ça. » Donc, voilà. Est-ce qu'on la retrouve à un seul endroit ou à plusieurs? Comme moi, mettons, quand j'ai parlé de thomisme, ça peut être... Puis tu sais, je parle que comme quoi c'est un facteur du pacifisme chrétien, mais c'est que j'ai plusieurs auteurs qui en parlent. C'est pas juste un énergumène qui est seul dans sa bulle. C'est... Les évidences finissent par devenir un consensus au sein des experts. Ensuite, j'ai l'impression parfois que certaines théories conspirationnistes, on y adhère parce qu'au fond, nous, on aime ça se sentir un peu anti-système, qu'on aime ça se savoir un peu marginal dans ses opinions. On aime ça se dire « Ah, il y a moi, puis il y a la plèbe qui... » Qui fait juste penser ce qu'on leur dit de dire. Les moutons, les femmes. Comme mettons les gens de gauche, on va dire les gens qui font juste écouter Québécois, puis les gens de droite, ils vont dire, ah, les gens qui font juste écouter Radio-Canada puis qui lisent Le Devoir. Il y a comme un aspect partisan dans l'accès à l'information, puis ça, c'est, je pense, c'est un autre gros enjeu. Puis c'est... On est tous le mouton de quelqu'un d'autre. Oui, exact, exactement. Puis on est tous conformistes sur certaines dimensions de notre identité. Puis ça, c'est peut-être un autre enjeu. L'un des facteurs, je pense, qui contribue à la polarisation, surtout aux États-Unis, mais au Québec aussi, c'est qu'il y a différents réseaux d'accès à l'information qui se créent. Soit tu es abonné au Devoir, tu lis parfois la presse, tu écoutes Radio-Canada, soit tu lis le Journal de Montréal, tu écoutes TVA, ou mettons aux États-Unis, hein, c'est très, très présent, Fox News contre CNN. Puis ce que ça fait, c'est qu'on a plus accès aux mêmes informations. On a des visions du monde qui sont basées sur des informations différentes. Puis c'est complètement fou parce qu'on n'est même pas capable de s'entendre sur c'est quoi les problèmes de société qu'on rencontre. Ça contribue à créer un climat où on n'arrive pas à rien faire collectivement parce qu'on n'est même pas capable de s'entendre sur c'est quoi qu'il faut faire. Oui, c'est ça. Puis dans le cas spécifiquement des grosses chaînes de nouvelles, admettons, américaines, ce clivage-là, il s'opère parce qu'eux autres, ils ont des créneaux qui visent avec un certain type d'information pour faire leur profit avec des annonces. Oui, exact. Puis c'est ça, c'est un autre enjeu. C'est les intérêts. Je veux dire, parce que, tu sais, il y a des intérêts privés derrière certaines chaînes d'information. La recherche universitaire, heureusement, oui, tu as des critiques de la commercialisation de l'éducation, l'idée que, des fois un peu clientéliste, des fois qu'on voit comment est-ce que les administrations des universités voient leurs programmes, donc ils vont investir dans les programmes qui recrutent le plus, ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, ce qui est chouette avec la recherche universitaire, c'est que c'est juste plein de nerds qui s'intéressent à un sujet puis qui sont là ensemble un peu dans une valorisation du savoir puis de la curiosité. Donc oui, ça finit par être un peu élitiste parce qu'on ne veut pas s'y nicher, parce que c'est pour des gens qui sont très scolarisés. Puis là, tu as tous des enjeux socio-économiques de disparité de l'accès à l'éducation supérieure. Mais tu n'as pas d'intérêt privé, tu n'as pas... Tu sais, on peut débattre de Lionel Groulx, mais ça ne va pas... Il n'y a pas d'intérêt privé qui défend l'un des deux camps derrière ça. Donc, ouais. Donc, c'est chouette, la recherche, mais c'est très utile, puis c'est plein de remises en question fondamentales. Donc, ouais, c'est un mouvement éprouvant. Un moment éprouvant, ouais. Écoute, moi aussi, écoute, j'aime ça, la recherche. J'aime ça parler avec des gens comme toi. Une petite dernière question. Ouais. Est-ce que, d'après toi, il y a un moyen pour rendre ce type de recherche-là plus accessible? Google Scholar, c'est vraiment chouette. Dans le fond, c'est un peu comme Google, mais c'est un moteur de recherche qui vraiment permet d'accéder à la recherche académique sur à peu près n'importe quel sujet. Sinon, moi, je vous recommande un excellent podcast qui s'appelle Parole d'histoire, qui est animé par André Loès, qui est un historien français qui se spécialise, je pense, dans la Première Guerre mondiale. Puis c'est vraiment des entrevues avec des historiens. Parce que oui, mettons des émissions comme L'Histoire nous le dira, ou Aujourd'hui l'Histoire à Radio-Canada, c'est chouette, mais c'est tellement simplifié souvent. Tu sais, quand tu as déjà des bases sur un sujet, tu te rends compte que c'est vraiment la base. Alors que là, c'est vraiment des entrevues avec des historiens, puis ils discutent d'enjeux méthodologiques, des enjeux historiographiques que l'historien a rencontrés, les difficultés qu'il a rencontrées avec les sources. C'est vraiment chouette, puis c'est vraiment... Ça se peut que vous trouviez ça vraiment plate, parce que c'est vraiment ça, la recherche. Tu sais, c'est OK, un tel historien qui recherchait sur les polices secrètes soviétiques, comment est-ce qu'il a fait pour étudier les actions dans tous les pays d'Europe de l'Est? Parce qu'aucun historien connaît toutes les langues d'Europe de l'Est. Fait, comment est-ce qu'il faisait pour suivre les agents russes ou est-allemands qui étaient en Pologne ou en Tchécoslovaquie, alors quand tu ne parles pas les langues? Ou alors, mettons, comment est-ce qu'une historienne qui fait l'histoire de l'Andalousie musulmane, donc de l'Espagne musulmane, fait pour se faire comprendre en utilisant des repères chronologiques qui ont été développés par les historiens du Moyen-Âge chrétien quand ces repères chronologiques-là ne correspondent pas aux réalités du monde musulman? Donc, tu sais, c'est des questions comme ça qui sont des questions vraiment des questions d'historien. Ben, moi, je trouve ça quand même assez fascinant. Je vais prendre ça en note parce que je vais probablement aller en écouter au minimum. Ça vaut à peine, c'est un bon podcast. Puis là, je sais que dans tout ce que j'ai dit, hein, je fais un gros clivage entre historien et non historien, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de gens qui se situent un peu entre les deux, tu sais, qui sont mi-journalistes, mi... comme là, justement, bientôt acculturé. Ben, en fait, je pense que c'est cette semaine, on reçoit Jean-François Nadeau, qui, lui, c'est vraiment un bel exemple de comment réconcilier journalisme et histoire.